Chapitre 10e. Tout se trouvait disposé pour reprendre la mer, et le 13 septembre 1774, de bon matin, nous levâmes l'ancre. Nous avions passé 7 jours et demi dans ce havre, mais dès le 3e, nous nous étions empoisonnés en mangeant du poisson, et nous avions perdu ainsi l'occasion de profiter de notre relâche. Au moment du départ, nous n'étions pas encore entièrement guéris. Nous ressentions encore de violents maux de tête, des douleurs spasmodiques par tout le corps, et nous avions les lèvres couvertes de boutons. Notre faiblesse, qu'augmentait chaque jour la privation d'aliments frais, nous empêchait de nous livrer à nos occupations ordinaires. C'est ainsi que nous quittâmes la Nouvelle-Calédonie, nom que j'ai donné à cette île située dans la partie la plus occidentale de la mer du Sud, éloignée seulement de 12 degrés de la côte de la Nouvelle-Hollande et habitée par une race d'hommes très différente de ceux que nous avions vus jusqu'alors. Le 17, au point du jour, nous eûmes la vue du mont Egmont, couvert d'une neige éternelle. Il nous restait au sud-est. Nous étions à la distance d'environ 8 lieues du rivage. Le 18, nous laissâmes tomber l'ancre à l'entrée de l'anse du vaisseau, les grains violents qui venaient de terre ne nous permettant pas d'entrer dans l'anse. C'était la 3e fois que nous mouillions dans cette anse. La vue des différents objets qui avaient déjà frappé nos regards nous causait, malgré l'aspect sauvage de la contrée, une sensation agréable, et l'espoir de rétablir notre santé et reposer nos forces nous inspirait une gaieté extraordinaire. Bien que des pluies fréquentes et des coups de vent nous fatiguassent sur nos amarres, nous nous trouvions heureux d'être sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. La saison n'était pas avancée dans ce climat rigoureux. Rien n'annonçait encore la verdure du printemps. Après-midi, on ne put point lever l'ancre, et j'allai avec la Seine dans l'anse pour essayer d'y prendre du poisson. En descendant sur le rivage, je songeais d'abord à visiter l'endroit où, à mon départ, de la dernière fois, j'avais laissé une bouteille qui renfermait des instructions pour l'aventure. Elle avait été enlevée. Mais était-ce par les insulaires ou par l'équipage du capitaine Furneaux? Il ne se passa rien de remarquable jusqu'au 24, où l'on vit dans la matinée 2 pirogues descendre le canal, mais dès qu'elles aperçurent le vaisseau, elles se retirèrent. Après déjeuner, je montai dans un bateau pour les aborder, et tout en côtoyant le rivage, nous tuâmes plusieurs oiseaux. Le bruit des mousquets annonça donc notre arrivée. Les insulaires parurent dans l'anse des nigauds une ouélère. Mais à mesure que nous approchâmes de leurs habitations, ils se retirèrent tous dans les bois, à l'exception de 2 ou 3 qui restèrent sur une éminence près du rivage, les armes à la main. Au moment de la descente, ils nous reconnurent. La joie succéda à la crainte. Les autres insulaires accoururent du bois. Nous en pensant, en frottant leur nez contre les nôtres, selon la coutume du pays. Puis ils sautèrent et dansèrent autour de nous de la manière la plus extravagante, et j'observai qu'ils ne permirent pas à des femmes, que nous apercevions dans l'éloignement, de venir près de nous. On leur fit présent de haches, de couteaux, de clous, d'étoffes. Ils nous donnèrent en retour une grande quantité de poissons. Parmi ces Indiens, il s'en trouvait peu que nous reconnussions. Ils avaient des vêtements vieux, déguenillés et sales. Leurs cheveux flottaient en désordre, ils exhalaient au loin la puanteur. Je remarquai qu'après nous avoir parlé de bataille et de mort, ils nous demandaient de temps en temps si nous étions fâchés et semblaient douter de la sincérité de nos protestations d'amitié. Nous craignîmes qu'il ne se fût produit une dispute entre les naturels et l'équipage de quelques vaisseaux européens. Le sort de l'aventure nous inquiétait. Nous employâmes tous les moyens possibles pour gagner la confiance des naturels et nous y réussîmes. Le lendemain, d'autres insulaires contèrent à peu près de la même manière l'histoire du massacre et montrèrent la baie de l'Est, située sur le côté oriental du détroit, comme le lieu où cet événement s'était passé. Ces rapports me donnaient les plus vives inquiétudes relativement à l'aventure. Je priai M. Wales et les gens qui étaient à terre de m'envoyer le premier Indien capable de m'instruire de ces particularités, car je n'en avais encore rien appris par moi-même. Comme M. Wales revint à bord pour dîner, il y trouva les insulaires qui lui avaient conté cette histoire. Dès qu'il me les eut montrés, je les questionnai, mais je n'en tirai jamais d'autre réponse qu'une négation. Ils nièrent tout ce qu'ils avaient dit la veille, et même parurent n'avoir aucune connaissance de l'affaire, de sorte que je commençais à croire que nos gens s'étaient mépris et que les détails qui m'avaient si fort inquiété se rapportaient à une querelle survenue entre Indiens. Le 2 novembre, nous nous rendîmes à l'anse de l'herbe, ignorant l'affreuse scène qui s'y était passée. Nous débarquâmes dans toutes les criques des environs et nous avançâmes fort loin dans l'intérieur du pays. Le 3, M. Pickersgill rencontra des naturels qui lui répétaient encore qu'un vaisseau avait fait naufrage et que tous les gens de l'équipage avaient été tués. Mais ils ajoutèrent d'un air empressé qu'il n'y avait eu aucune part. Dans les trois relâches que nous fîmes à la Nouvelle-Zélande, le pays nous fournit des rafraîchissements qui dissipèrent tous les symptômes du scorbut et nous donnèrent des forces. Le poisson fut pour nous un aussi bon restaurant que les plantes antiscorbutiques. L'air vif qu'on y respire, les beaux jours, nous contribuèrent par peu à raffermir nos fibres relâchées par une longue campagne dans des climats plus chauds, et l'exercice que nous y prîmes nous fut d'ailleurs avantageux. Nous arrivions sur cette côte pâle et défait. La santé reparaissait bientôt sur nos visages, et nous retournions au sud aussi forts et aussi sains que jamais. Le 10 novembre, nous levâmes l'ancre et nous sortîmes du canal de la Reine Charlotte pour cingler vers le sud. 5 semaines s'écoulèrent sans que notre navigation offrît rien de remarquable. Nous avions perdu de vue la Nouvelle-Zélande. Comme aucune terre ne semblait devoir arrêter notre marche, nous naviguions avec plus de gaieté que pendant la dernière campagne que nous venions de faire au sud. D'ailleurs, les vents d'ouest qui dominent dans ces latitudes étaient en notre faveur et nous savions que les travaux et les fatigues de notre long voyage approchaient de leur fin. Nous nous croyions déjà hors de danger et l'espérance de revoir l'Europe après tant de périls et de peines semblait nous inspirer une nouvelle ardeur. Le 17 décembre, nous vîmes terre à la distance d'environ 6 lieues. Ce ne pouvait être que la côte occidentale de la Terre de Feu, près de l'entrée ouest du détroit de Magellan. C'était la première fois que l'on faisait route directement à travers cette mer, du moins, je le pensais alors, ne sachant pas que l'aventure avait tenu la même direction. Je n'ai jamais fait nulle part une traversée si longue, car si j'en accepte la déclinaison de l'aimant, je ne sache rien qui vaille la peine d'être conservé. Quoique la résolution fût un lourd voilier, nous fîmes plus de 40 lieues par jour. Le temps n'avait été ni extrêmement orageux, ni extrêmement froid. Je n'ai plus rien à dire de la mer du Sud, et je me flatte de l'avoir assez reconnue. Le 18, nous fîmes de la voile avec un vent frais du nord-ouest, et on gouverna le long de la côte. À 4 lieues, nous étions environ 9 lieues de la hauteur du cap des Eada. La partie de l'Amérique qui frappait nos regards était d'un aspect fort triste. Elle semblait découpée en petites îles qui, bien qu'assez hautes, étaient cependant d'un aspect très sombre et presque entièrement stérile. D'après ces îles, nous apercevions des montagnes dentelées et couvertes de neige presque jusqu'au bord de l'eau. Le 19, nous dépassâmes la pointe sud-est de la baie de Sainte-Barbe, pointe que je nommais Cap Désolation, parce que c'est dans ces environs que commence le pays le plus stérile et le plus affreux que j'ai jamais vu. Nous avançâmes à environ 3 lieues de la côte la plus proche, qui était une île. Je l'appelais île Gilbert, du nom de notre maître d'équipage. Elle est dans la même élévation que le reste de la côte et présente une surface composée de plusieurs rochers à pic de hauteurs inégales. J'ai observé plus haut que c'est la côte la plus affreuse que j'ai jamais vue. Elle paraît seulement formée de montagnes, de roches, sans la moindre apparence de végétation. Ces montagnes aboutissent à d'horribles précipices dont les sommets escarpés s'élèvent à une grande hauteur. Il n'y a peut-être rien dans la nature qui offre des points de vue aussi sauvages. Je voulais entrer dans l'un des ports nombreux qui semblaient ouverts pour nous recevoir, afin d'examiner la contrée, de faire du bois et de l'eau. J'envoyai une chaloupe en avant. Elle revint bientôt, et j'appris qu'il y avait 30 à 35 brasses d'eau à une encablure du rivage. Nous jetâmes dans l'ancre par 30 brasses, fond de sable et de coquilles. Depuis notre départ de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire depuis 41 jours, nous n'avions mouillé nulle part. Le lendemain, je m'embarquai sur une chaloupe afin de reconnaître la partie septentrionale du passage. Ce passage, très spacieux, est environné au nord et à l'est de plusieurs chaînes de hautes montagnes couvertes d'une neige et d'une glace qui ne fondent jamais. Chemin faisant, je débarquai sur la pointe d'une île basse revêtue d'herbes dont une partie avait été brûlée récemment. Nous y aperçûmes des huttes, signe certain de la présence des Indiens. À l'extrémité, nous trouvâmes un très bon arbre environné de rochers escarpés d'où sortaient plusieurs cours d'eau limpides. Ce havre, que j'ai nommé le bassin du diable, est divisé en 2 parties, l'une intérieure, l'autre extérieure. En quittant cet endroit, nous longeâmes la côte à l'ouest et nous aperçûmes là d'autres havres que je n'eus pas le temps d'examiner. Quoique nous fussions au premier mois d'été, la contrée était couverte de neige comme en plein hiver. Les plantes cependant commençaient à fleurir et les oiseaux s'appariaient. Sur les rives du bassin du diable, il croissait des arbres plus grands que tous ceux que nous avions vus dans les environs. Des oiseaux en quantité prodigieuse remplissaient chaque branche et chantaient autour de nous. La hauteur des montagnes que nous avions sous les yeux, quoique inférieure à celle des Alpes, est très considérable, et leur sommet forme autant de pointes aiguës et escarpées dont la neige remplit toutes les anfractuosités. De grosses mouettes faisaient leur nid dans les herbes sèches sur l'une des îles, qui était entièrement couverte de touffes, d'une espèce d'arbousier, chargée de fruits rouges de la grosseur d'une petite cerise et d'un goût sucré et aigrelet. Ces fruits étaient très bons à manger. Les rochers de la même île étaient remplis de grosses moules meilleures que les huîtres. Sur l'une des îles basses, il y avait plusieurs huttes qui venaient d'être habitées et aux environs beaucoup de céleri. Ce céleri, quoique plus petit que celui de la Nouvelle-Zélande, était meilleur. Après en avoir chargé notre chaloupe, nous retournâmes à bord à 7 heures du soir et nous remarquâmes que les environs du vaisseau étaient plus chauds que les parties septentrionales du canal, où l'air se trouvait refroidi par la grande quantité de neige qui couvrait les montagnes. De retour à bord, j'appris que les naturels, montés sur 9 pirogues, étaient venus près du vaisseau et que quelques-uns y étaient montés. Il n'avait pas été nécessaire de les presser beaucoup pour cela, car ils paraissaient fort bien connaître les Européens et possédaient des couteaux de fer. Ces Indiens étaient munis d'arcs, de treilles, de dards, ou plutôt de harpons d'os fixés au bout d'un bâton. Je crois qu'ainsi armés, ils tuent des veaux-marins et d'autres poissons, peut-être aussi des baleines comme font les Esquimaux. Je leur fis donner du biscuit, mais je ne remarquai pas qu'ils l'aimassent autant qu'on me l'avait dit. L'instinct leur a peut-être appris que cet aliment n'est pas aussi bon pour eux que la chair pourrie du veau-marin. Ils préféraient les médailles et les couteaux. Il y avait dans chacune de leurs pirogues un feu autour duquel se serraient et se réchauffaient les femmes et les enfants. Ils ont aussi dans leurs pirogues de grandes peaux de veaux marins que je jugeais destinées à les abriter quand ils sont en mer et à couvrir leurs huttes à terre. Ils les employaient quelquefois comme des voiles. Leurs pirogues, faites d'écorces d'arbres, étaient fort grossières. Les pagaies étaient mauvaises et ils manœuvraient fort lentement. Chaque canot contenait de 5 à 8 personnes, y compris les enfants. Ces sauvages, en mangeant la chair de veaux marins pourris, préféraient la partie huileuse, et la seule attention qu'ils eurent pour les matelots fut de leur en offrir. Tous les peuples habitants de haute latitude aiment cette huile par instinct, et l'on dit qu'elle échauffe le corps et le défend contre la rigueur du temps. La peau, les vêtements, les armes, les ornements, les ustensiles, etc. de ces sauvages exhalaient une puanteur si insupportable que nous ne pouvions rester longtemps parmi eux et que les yeux fermés, nous les sentions à une distance considérable. Nous n'avons remarqué aucune espèce de subordination parmi ces sauvages, dont la vie approche plus de celle des brutes que de celle d'aucune autre nation. Il est très probable que ce sont de malheureux proscrits de quelques tribus voisines et que, réduits à vivre dans cette partie sauvage de la terre de feu, ils ont insensiblement perdu toutes leurs idées, à l'exception de celles que renouvellent sans cesse les besoins les plus pressants. Ils se retirèrent tous avant dîner et ne partagèrent pas notre régal de Noël. Je crois que personne de nous ne les y invita, car la saleté et la puanteur de leur corps suffiraient pour ôter l'appétit à l'Européen le plus vorace. On servit donc des oies rôties et bouillies, ainsi que des pâtés d'oie. Il nous restait encore quelques bouteilles de madère, le seul article de nos provisions qui se fût amélioré en mer, de sorte que nos amis d'Angleterre ne célébrèrent peut-être pas Noël plus gaiement. Le 26, à mon retour d'une partie de chasse, je constatai qu'on avait embarqué tout ce que nous avions sur la côte. Nous n'attendions plus que le vent pour reprendre la mer. J'ai donné à ce canal le nom de Noël à cause de la fête que nous y célébrâmes.